du bois. Bouge, chaque partie de toi fait danser, danser tout de toi. 1, 2, 3, touche du bois. Bouge, chaque partie de toi fait danser, danser tout de toi. Avec tes doigts, touche tes épaules. Avec ton coude, touche tes genoux. Avec ton pied, touche ton nez. Avec ton poignet, touche ton mollet. Chaque partie de toi fait danser, danser tout de toi. 1, 2, 3, touche du bois. Bouge, chaque partie de toi fait danser, danser tout de toi. Avec ta joue, touche ton genou. Avec ton pied, touche ton nez. Avec ton talon, touche tes fesses. Avec tes oreilles, touche tes orteils. 1, 2, 3, touche du bois. Bouge, chaque partie de toi fait danser, danser tout de toi. 1, 2, 3, touche du bois. Bouge, chaque partie de toi fait danser, danser.